En arrivant au bureau du fanal, j'aperçus une foule qui nous attendait. On cria dès qu'on nous vit. « Eh bien, avez-vous arrangé l'affaire de ce cochon de Morin ?» Tout La Rochelle en était troublé. Rivet, dont la mauvaise humeur s'était dissipée en route, eut grand-peine à ne pas rire en déclarant « Oui, c'est fait, grâce à la barbe !» Et nous allâmes chez Morin. Il était étendu dans un fauteuil, avec des sinapismes aux jambes et des compresses d'eau froide sur le crâne, défaillant d'angoisse. Il toussait sans cesse, d'une petite toux d'agonisant, sans qu'on sût d'où lui était venu ce rhume. Sa femme le regardait avec des yeux de tigresse, prête à le dévorer. Dès qu'il nous aperçut, il eut un tremblement qui lui secouait les poignets et les genoux. Je dis « C'est arrangé, salaud, mais ne recommence pas. » Il se leva, suffoquant, me prit les mains, les baisa comme celles d'un prince, pleura, faillit perdre connaissance, embrassa Rivet, embrassa même Madame Morin, qu'il rejeta d'une poussée dans son fauteuil. Mais il ne se remit jamais de ce coup-là. Son émotion avait été trop brutale. On ne l'appelait plus dans toute la contrée que ce cochon de Morin, et cette épithète le traversait comme un coup d'épée chaque fois qu'il l'entendait. Quand un voyou dans la rue criait « Cochon !», il retournait la tête par instinct. Ses amis le criblaient de plaisanteries horribles, lui demandant, chaque fois qu'il mangeait du jambon, « Est-ce du tien ?» Il mourut 2 ans plus tard. Quant à moi, me présentant à la députation en 1875, j'allais faire une visite intéressée au nouveau notaire de Tousserre, Maître Beloncle. Une grande femme opulente et belle me reçut. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-elle. Je balbutiai. « Mais non, madame. « Henriette Bonnel ?»« Ah !» Et je me sentis devenir pâle. Elle semblait parfaitement à son aise et souriait en me regardant. Dès qu'elle m'eut laissé seule avec son mari, il me prit les mains, les serrant et les broyait. « Voici longtemps, cher monsieur, que je veux aller vous voir. Ma femme m'attend parler de vous. Je sais, oui, je sais en quelles circonstances douloureuses vous l'avez connue. Je sais aussi comme vous avez été parfait, plein de délicatesse, de tact, de dévouement dans l'affaire. » Il hésita, puis prononça plus bas, comme s'il eût articulé un mot grossier, « Dans l'affaire de ce cochon de Morin. »